Chapitre 9e. Un ours de Russie en visite à Westline. Carlyle haranguait la populace du haut du balcon de la taverne Dudin. C'était une vieille et bonne maison renommée avant le chemin de fer. Dans les jours heureux, des diligences et des chaises de poste. Le balcon était d'une vieille architecture, vaste, peint en vert, où l'on pouvait aisément réunir des amis. Carlyle était doué d'une éloquence persuasive. Il connaissait le secret de charmer les cœurs et les oreilles. Mais quand il aurait parlé la bouche pleine de dragées, la langue épaissie, les lèvres à moitié fermées, il aurait toujours été accueilli par de frénétiques et turbulents applaudissements. La popularité de Carlyle à Westline était prodigieuse, sans parler de sa candidature et de ses talents oratoires. D'ailleurs, à Westline, on faisait cause commune contre Sir Francis Levison. C'est à la taverne du Corbeau que ce dernier haranguait la foule, mais c'était un abominable orateur. La populace riait, sifflait, grognait, applaudissait et obstruait le chemin. Il y avait une chose dont Sir Francis n'avait pas lieu de se plaindre, il avait un auditoire, car tout le monde à Westline s'était fait un point d'honneur de venir l'écouter, les uns pour l'applaudir et le plus grand nombre pour le siffler et le huer. On se poussait des coudes et autrement, on se montait sur les pieds les uns des autres quand tout à coup on vit arriver une voiture ouverte qui cherchait à se frayer un passage. Les chevaux étaient ornés de rosettes rouges et dans la voiture il y avait une dame seule, c'était Madame Carlyle. Or ce n'était pas chose facile de fendre cette foule épaisse et compacte. La voiture avançait à pas de tortue et même s'arrêtait souvent. L'éloquent de Levison s'arrêta aussi en attendant que le vacarme fût fini. Car à quoi bon gaspiller son éloquence? Il ne salua pas Barbara, se souvenant trop bien du résultat de semblable politesse à Cornélie. Sans doute, il avait laissé dans la mare son impudence et son audace. Barbara, à travers les franges sévères de son ombrelle, pouvait l'apercevoir. À ce moment-là, l'orateur tenait la main droite élevée, rejetait la tête en arrière, et relevait les cheveux tombés sur son front. Sa main sans gants était blanche et délicate comme celle d'une femme, et Barbara vit étinceler une bague et un diamant au soleil. Ses joues roses devinrent rouges et un pli sur son front révéla une angoisse dans son cœur. C'était le geste signalé par Richard, le geste qu'il faisait toujours à Eastline. Barbara eut peine à cacher son émotion, mille salutations l'accueillirent et lui répondit machinalement, un cri s'éleva. « Vive Monsieur Carlyle! Vive Monsieur Carlyle !» Barbara inclina sa tête gracieuse de chaque côté et la voiture parvint à se dégager. Le mouvement de la foule rapprocha l'un de l'autre Daly et M. Ebenezer James. Ebenezer était un individu qui, depuis 12 ou 15 ans, avait tâté de tous les métiers sans réussir à aucun. Il avait débuté par être commis de Carlyle. Ensuite, il s'était laissé séduire par le directeur du Théâtre Royal de Lyneborough. Puis, s'était fait huissier-priseur, puis commis voyageur pour la vente des vernis et des couleurs à huile, puis ministre de l'une des 100 nouvelles sectes protestantes, puis conducteur d'omnibus, puis porteur de contraintes. Enfin, il était redevenu commis. Ce n'était plus chez Carlyle, mais chez d'autres avoués de Westline, nommés Ballet Treadman. Ebenezer était un garçon d'humeur joyeuse, de bon cœur, de manière franche, mais adonné à la paresse. « Eh bien, Ebenezer, comment vont les affaires ?» lui dit Dill en manière de salutation. « Mes affaires vont assez bien, mais à reculons. » « Ne vous ai-je pas vu entrer hier chez votre père ?»« Oui, mais aussitôt entré, aussitôt sorti. »« On m'y reçoit un peu comme un chien dans un jeu de quilles, et l'on m'y donne plus de coups que de sous. »« Mais chut, mon vieux, voilà l'orateur qui parle. » Cet orateur, c'était Levison, bien entendu. Dill se mit à l'écouter d'un air sérieux et Ebenezer d'un air moqueur. Mais bientôt, une ondulation de la foule les rejeta hors de son sein. Ils ne voyaient plus, mais ils entendaient encore l'orateur. Ainsi placé, ils aperçurent au bout de la rue, et venant à eux, un être semblable à un ours de Russie marchant sur ses pattes de derrière. « Dieu me pardonne !» dit Ebenezer, après avoir regardé ce faux ours d'un air consterné. « Dieu me pardonne ? Je crois que c'est Bethel. »« Bethel ? » répéta Dill, les yeux fixés sur l'homme à la peau d'ours. C'était bien Otto et Bethel, arrivant de voyage, et revêtu d'une fourrure bordée de queue d'ours. Un bonnet analogue surmontait sa tête, et les poils qui recouvraient sa figure auraient pu fournir le juge R de perruque jusqu'à la fin de ses jours. C'était un spectacle à faire reculer un plus brave que Dill. Aussi Dill recula comme s'il craignait d'en être mordu. « Comment vous nommez-vous, Bethel, jusqu'à ce jour ?» répondit l'homme sauvage, tendant la main à Dill. « Je vois, Ebenezer, que vous êtes toujours de ce monde et toujours tapageur, qui plus est. Je compte bien y faire encore le tapageur pour quelque temps. De quel lointain parage arrivez-vous aujourd'hui, sans doute du pôle Nord ? Je ne viens pas de si loin. Mais quel est donc ce tumulte ? Depuis quand êtes-vous arrivé, monsieur Otway ? Demanda le vieux Dill. J'arrive à l'instant même, par le train de 4 heures. Mais dites donc, qu'y a-t-il ? Ce n'est qu'une élection, répondit Ebenezer. Laissez donc là votre élection, j'ai appris tout cela à la station, répliqua Bethel impatienté, mais dites-moi ce qui se passe ici. Et du geste, il indiquait la foule. Parbleu, c'est un candidat qui gesticule et pérore, c'est Levison. Ah, par exemple, voilà qui est fort, s'écria Bethel. Est-ce qu'il va l'emporter sur Carlyle ? Allons donc, est-ce que c'est possible ? Il n'a pas l'ombre d'une chance, et le gouvernement, s'il est le candidat du gouvernement, n'est qu'une collection de ganaches. Ils ignorent l'influence de Carlyle. Dites donc, Bethel, est-ce que votre costume est à la mode dans le pays d'où vous venez ? C'est le costume des pauvres diables. Mais allons donc voir un peu ce Levison, je ne l'ai jamais vu. Il y eut alors une nouvelle interruption du discours, causée par un train de bagages. Dans ce moment de confusion, ils furent poussés près de la maison, en face de Levison. Bethel le regardait avec des yeux étonnés. « Tiens, qui l'amène ici ? Que fait-il là ? De qui parlez-vous ? » Il le montra du doigt. « Je parle de l'individu qui tient un mouchoir blanc à la main. » « Eh bien, c'est Sir Francis Levison. »« Mais pas le moins du monde !» s'écria Bethel d'un ton qui trahissait la plus grande surprise. « Cet homme-là n'a jamais été Sir Francis Levison. » Les regards d'Otway Bethel et de Levison se rencontrèrent. Bethel salua Levison en soulevant son bonnet de peau d'ours. Levison parut épouvanté, mais cela ne dura qu'un instant. Il mit son lorgnon et regarda Bethel d'un air superbe et fier. Cependant, la pâleur du marbre envahissait ses lèvres et ses joues. « Est-ce que vous connaissez Levison, monsieur Bethel ?» demanda Dill. « Je l'ai connu un peu autrefois. »« Oui, » dit Henri à Ebenezer, « quand il n'était pas encore Levison, mais bien un certain autre personnage. N'est-ce pas la vérité, Bethel ?» Bethel lança à Ebenezer les regards de dédain qu'il venait de recevoir du baronnet et disparut immédiatement. « Expliquez-moi donc, monsieur Ebenezer, ce que signifie cette petite scène ?» demanda alors le vieux Dill. « Oh, cela ne signifie pas grand-chose, celui qui pérora là-bas. » n'a pas toujours été le grand personnage qu'il joue maintenant, voilà tout. Ah bah, je n'ai rien voulu dire, parce que cela ne me regarde pas. Mais on peut vous mettre dans la confidence. Croyez-vous que l'illustre baronnet que vous voyez là, et qui a la prétention de représenter Westline au Parlement, venait rôder aux alentours d'Abbey Wood, fou qu'il était Daffy Hall et John ? Dans ce temps-là, je vous parle d'il y a plusieurs années, il ne s'intitulait pas Sir Francis Levison. Ces mots éveillèrent dans la mémoire du vieux Dill 1000 vagues souvenirs et 1000 doutes pénibles au sujet de Richard Hare et d'un certain Thorne. Puis, saisissant vivement le bras d'Ebenezer, « Et comment s'appelait-il alors ?»« Thorne. »« Mais, » reprit Dill avec empressement, « saviez-vous donc qu'il s'appelait Francis Levison ?»« Pas le moins du monde. »« Quand il vint se présenter ici pour disputer à Carlyle le titre de membre du Parlement, je fus confondu de tant d'audace, tout comme l'était Bethel, il n'y a qu'un moment. » « Allons, me disais-je, il paraît que Thorne est enterré et que Levison lui succède. »« Mais pourquoi changer de nom ? Pourquoi prendre celui de Thorne ? Je l'ignore. »« S'appelle-t-il Levison ou Thorne ? Je ne le sais pas. » Dill, brûlant du désir de communiquer à Carlyle ses étranges nouvelles, se mit en devoir de percer la foule sans y réussir, tant elle était compacte. Il lui fallut donc prendre patience et attendre l'occasion de s'échapper. Quand elle se présenta, il courut à l'étude et entra dans le cabinet de son patron. Ce dernier, assis devant son bureau, signait des lettres et des papiers. « Dill, pourquoi donc êtes-vous ainsi hors d'haleine ? J'ai bien lieu de l'être. Je viens d'écouter les plus étranges révélations. Je sais tout sur Thorne. Qui croyez-vous qu'il soit ?» Carlyle, posant sa plume sur le bureau, regarda son vieux commis. C'était la première fois qu'il lui voyait cette ardeur. « Thorne n'est autre que Levison. »« Je ne vous comprends pas, » dit Carlyle. Et en effet, ce que lui disait Dill était aussi obscur pour lui que de l'hébreu. Le Levison d'aujourd'hui, votre antagoniste, est le même que Thorne, l'amant de Hallijohn. C'est l'exacte vérité, monsieur Carlyle. Cela n'est pas possible, dit lentement Carlyle, dont les pensées s'entre-heurtaient péniblement. Où avez-vous appris cela ? Dill raconta tout en détail, comment Bethel l'avait reconnu, comment Sir Francis Levison avait pâli, et la révélation d'Ebenezer. Mais le point le plus important de toute cette affaire, celui auquel s'arrêta Carlyle, c'était que si Levison était le vrai coupable, lui, Carlyle, ne pouvait rien faire pour le traduire en justice. Bethel m'a juré plus d'une fois qu'il ne connaissait pas Thorne et qu'il ignorait qu'il existait un tel homme, murmura Carlyle. C'est qu'il avait intérêt à le jurer, s'écria Dill. Ils se sont reconnus aujourd'hui, cela est certain, quoiqu'il ait cherché à faire croire qu'il ne le connaissait pas. Bethel l'a reconnu pour être Thorne et non Levison. Il n'en faut pas douter. Il n'a pas prononcé le nom de Thorne, mais il a été évidemment surpris d'apprendre que c'était Levison. s'il n'y a pas entre ces deux hommes un secret quelconque, monsieur Carlyle, je ne veux plus jamais croire le témoignage de mes yeux. » Pendant que ce dialogue avait lieu, Barbara était retournée à la maison. À la voir s'élancer, leste et légère, de la voiture arrêtée, sans attendre l'aide du valet de pied, à voir ses lèvres serrées, sa physionomie concentrée, on pouvait deviner qu'elle étudiait de toute son âme un plan d'action. Elle courut à son cabinet de toilette, jetant son ombrelle sur une chaise, ses gants sur une autre, Barbara se mit à écrire. « Je veux lui écrire, je veux le voir ici, ne fût-ce qu'une heure. Je saurai ce qui en est, pour le moment du moins. Je suis sûr, autant qu'on puisse l'être, que c'est bien l'homme que nous cherchons. Le geste, décrit par Richard, et puis la bague et le diamant. Quelle qu'en soit la conséquence, je vais l'envoyer chercher. » Elle griffonna la lettre, et avant de l'avoir finie, elle sonna pour commander la voiture. Elle ne s'en voulait rapporter qu'à elle-même pour la jeter à la poste. « Cher monsieur Smith, votre présence nous est indispensable ici. Il s'est passé un événement sur lequel nous avons besoin de vous consulter. Trouvez-vous ici samedi, près de l'allée couverte, vers la brune. Tout à vous, B. » Elle adressa la lettre à monsieur Smith, telle rue, à Liverpool. C'était l'adresse donnée par Richard. L'on voit que Barbara prenait ses précautions. « Mais un instant !» se dit Barbara en pliant la lettre. « Il faut lui envoyer un billet de banque de 5 livres pour qu'il puisse payer sa place et je ne crois pas avoir en ce moment cette somme. » Elle fouilla dans son secrétaire. Pas un seul billet de 5 livres. Elle sortit en courant de la chambre et rencontrant Joyce dans le corridor. « Auriez-vous, Joyce, un billet de 5 livres ?»« Non, madame. »« Sans doute, madame Vine en a un. Je l'ai payé la semaine dernière. » Et je lui ai donné, entre autres, 2 billets de 5 livres. Et Barbara courut au salon. « Madame Vine, pouvez-vous me prêter 1 billet de 5 livres ? J'en ai besoin pour l'envoyer dans une lettre. » Madame Vine alla le chercher à sa chambre. Barbara, en attendant, se mit à questionner William, lui demandant s'il avait vu le docteur Martin et ce qu'avait dit ce dernier. « Il m'a examiné la poitrine, » répliqua l'enfant. « Il a dit qu'il viendrait à Westline mercredi dans l'après-midi. » « Où devez-vous le voir ?»« Au bureau de papa. » Ou chez ma tante Cornélie, comme on voudra. Madame Vine a dit que ce serait chez papa, à son bureau, parce qu'il serait peut-être content de voir le docteur. Dis donc, maman. Quoi, mon enfant ? Demanda Barbara. Madame Vine n'a pas cessé de pleurer depuis cette visite. Pourquoi pleure-t-elle ? Vraiment, je n'en sais rien. Elle pleure ? Oh oui, mais elle essuie ses larmes sous ses lunettes et croit que je ne m'en aperçois pas. Je sais bien que je suis très malade, mais pourquoi cela la fait-il pleurer ? Taisez-vous, William. « Qui vous a dit que vous fussiez très malade ?»« Personne, mais je crois que je suis très malade. » ajouta-t-il d'un air pensif. « Vous vous imaginez toujours 1000 choses. Il est peu probable que Madame Boyd pleure parce que vous êtes malade. » Cette dernière rentra avec le billet de 5 livres. Barbara la remercia et s'empressa de porter elle-même la lettre à la poste. Dès qu'elle fut de retour, elle monta à sa chambre et Carlyle ne tarda pas à l'y rejoindre. Barbara, ainsi que la plupart des personnes qui agissent sans réfléchir, revenant de son ardeur, se demandait s'il avait agi sagement de faire venir son frère avec tant de précipitation. Elle soumit ses doutes et ses inquiétudes à son mari, son refuge assuré dans ses perplexités. « Je crains, Archibald, d'avoir fait une folie. »« Nous en faisons tous, Barbara. De quoi s'agit-il » Il s'était assis sur une des chaises basses qu'aimait Barbara. Elle se tenait debout devant lui, appuyée sur son épaule, mais de manière à ce qu'il ne pût voir son visage. Par un accès de discrétion, elle ne voulait pas le regarder pendant qu'elle lui révélerait ce qu'elle avait à lui dire. « C'est un secret qui me pèse sur le cœur depuis des années, un secret dont je ne voulais pas vous faire part. »« Depuis des années ? Vous vous rappelez cette nuit, il y a plusieurs années de cela, où Richard se trouvait au bocage avec un travestissement. Il... Quelle nuit voulez-vous dire, Barbara ? Il est venu plus d'une fois. »« Eh bien, la nuit que Lady Isabelle a quitté Eastline, » répondit-elle. Ne voyant pas d'autre moyen de réveiller ses souvenirs. Et puis, glissant avec amour ses mains dans les mains de son mari, « Richard, » fit-elle, revint après son départ pour nous annoncer qu'il avait rencontré Thorne dans la ruelle aux bœufs. Il nous décrivit le geste avec lequel il relevait ses cheveux de dessus son front et nous parla de sa main blanche et de son diamant que la lune faisait étinceler. Vous en souvient-il ? Parfaitement. Depuis cette nuit-là, il m'est resté peu de doutes sur l'identité de Thorne. J'avais la conviction que Thorne et le capitaine Levison étaient le même individu. Pourquoi ne me l'avoir pas dit, Barbara ? Comment aurais-je pu vous parler de cet homme ? Alors surtout, plus tard, quand Richard se trouvait ici, pendant ce jour de neige et de froid, il assura qu'il connaissait Sir Francis Levison, qu'il avait vu Thorne et lui ensemble. Cette assertion me dérouta. mais aujourd'hui, en passant devant la taverne du Corbeau, en voiture, je l'ai vu parlant au peuple, et j'ai reconnu le même geste, le geste que je lui connaissais. » Barbara se tut. Carlyle respecta son silence. « Je suis convaincu de l'identité de Thorne et Levison, et que Richard, quand il dit les connaître l'un et l'autre, se trompe étrangement. Pardonnez-moi, Archibald, de vous rappeler ces choses, mais je demeure convaincu que Levison et Thorne ne sont qu'un. Je le savais comme vous. » Barbara, confondue, recula et le regarda en face. « Quoi, vous le saviez dans ce temps-là, Archibald ? Je n'ai su que tantôt. » Dill, Ebenezer, Bethel, qui sont venus ici aujourd'hui, se trouvaient devant la taverne du Corbeau, écoutant le discours de mon adversaire, quand Bethel le reconnut, non pas pour être Levison. Il fut singulièrement surpris, au contraire, quand on lui annonça que c'était Levison. On dit qu'en le voyant, Levison fut épouvanté et pâli soudain. Sans donner l'explication, Bethel s'éloigna. Mais Ebenezer révéla à Dill que le prétendu Levison n'était autre que Thorne, le galant d'Affy Hallijohn. Archibald, poursuivit la jeune femme, j'aimerais chercher Richard. En vérité, j'étais certaine de l'identité de Thorne et de Levison, et sous l'impression du moment, j'ai écrit à Richard de se trouver ici samedi soir, et la lettre est partie. Eh bien, nous aurons à le cacher de notre mieux. Que peut-on faire, Archibald, mon cher Archibald, pour justifier mon frère ? En disant ces mots, ses yeux se remplirent de larmes. Levison est l'accusé. Je ne puis donc agir. Quoi ? Vous ne pouvez agir contre lui pour sauver Richard ? Il la regarda de ses yeux si francs, si sincères. Ma bien-aimée, comment puis-je agir ? Barbara laissa tomber une larme qui trahissait sa colère et sa douleur. Mais vous n'y songez pas, Barbara. J'agirai contre tout autre que Levison, mais contre lui, on dirait que je me venge. Pardon, mon bien-aimé, vous êtes toujours juste. Je ne voyais pas la chose à ce point de vue. Mais enfin, quelle démarche y aurait-il à faire ? C'est une question hérissée d'obstacles. Attendons l'arrivée de Richard.